Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Aujourd'hui dans l'émission Portrait d'artiste, je vais à la rencontre de Diane Puységur et Jean-Pierre Surmon, tous les deux des artistes reconnus, qui gèrent également le foyer d'accueil spécialisé d'Essel et Nancy. Dans le cadre de leur activité, ils vont intervenir dans une grande exposition de dimension nationale qui s'intitule La Grande Lessive et qui sera présent place de l'Hôtel de Ville le 16 octobre. Voici tout de suite notre émission. Portrait d'artiste sur Fadjet. Aujourd'hui, en présence de Diane Puységur et Jean-Pierre Surmon, tous les deux artistes, spécialistes d'art graphique ou encore réalisateurs, et qui ont cette particularité d'animer l'atelier Picador. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Bien. Bien, et toi? Très bien. Alors, Diane et Jean-Pierre, chacun votre tour, hein, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités, de ce que vous faites au sein de l'atelier Picador et quelles sont ses particularités? Alors, dans l'atelier Picador, on accueille des personnes en situation de handicap qui viennent sur un foyer d'accueil spécialisé qui est situé sur Essel et Nancy depuis 2007. Et on découvre avec eux la joie de créer de l'art, de faire des expositions et de travailler plein de thèmes d'actualité. D'accord. Et parfois, Diane anime toutes les semaines un atelier écriture. Et donc, à travers cet atelier, moi qui suis à côté, à animer l'atelier art scénique, je me greffe soit pour co-animer l'atelier avec elle, soit pour illustrer par des photos, des vidéos, le travail qui est fait ici dans la prolongation poétique de leur proposition. D'accord, alors pour vous repositionner un petit peu en même temps tous les deux sur la scène culturelle, artistique de l'agglomération nancéenne, Diane, aujourd'hui vous participez là le 16 octobre à une exposition qui s'appelle La Grande Lessive, qui a lieu place de la République à Essel-et-Nancy. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'est cet événement, La Grande Lessive? Alors, La Grande Lessive, c'est une invitation à venir étendre des œuvres sur un grand fil à linge qui peut se situer dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel quartier, et qui est l'occasion de rassembler des gens autour de la poésie et de l'art. Et le thème de cette année, c'est Nuit et jour, réfléchir les lumières. D'accord. Et vous, et Jean-Pierre, je crois que vous participez aussi à cette exposition? Oui, au début, j'avais pensé à essayer d'écrire des petites scénettes qu'on aurait pu jouer en direct sur la place de la République. Et puis, en fait, je me suis arrêté sur des propositions de photos que nous avons commencé à réaliser sur ce thème-là, avec des clairs obscurs et puis un peu des jeux sur les mots, sur des reflets et des lumières en ombre. Alors, d'accord. Parce que le principe, en même temps, c'est de faire une affiche. Elle a un format imposé, cette affiche? Cette création graphique, elle a un format imposé? Alors, imposé, pas vraiment, mais l'invitation qui est vraiment accessible à tout le monde, c'est de prendre du format A4. A4, ça peut être plus grand? Ça peut être plus petit, ça peut être plus gros, ça peut être plus lourd, mais il faut que ça tienne sur un fil. D'accord, donc là, en fait, c'est tous ces supports, donc ces affichettes, elles vont être là, pour le coup, rue de la République, donc c'est la place de l'Hôtel de Ville, hein, ici. Il y aura des cordelettes qui seront suspendues et toutes les créations seront affichées, c'est bien voilà, ça? Voilà, comme une grande lessive qui serait étendue sur un fil pour un séchage un peu poétique. Voilà. Et la particularité de la grande lessive, c'est que c'est un événement national? Oui, c'est national et puis c'est participatif et ça s'adresse à tout type de personnes. Et l'idée, c'est que les gens se rencontrent lors de l'étendage, que ce soit des participants ou des passants, et que les générations se mélangent et se côtoient. D'accord, donc un mélange culturel en même temps, tant dans la pratique des arts visuels, est-ce que vous, par exemple, Diane, vous êtes plus sur de l'art graphique ou de l'écriture, si j'ai bien compris. Ouais. Vous, Jean-Pierre, rappelons que vous êtes aussi réalisateur de films qui sont présentés souvent aux Nuits de la Culture AC. Tout à fait, oui, on en prépare d'autres là en ce moment. Et on reviendra vous voir quand un grand film sera terminé. Là, on est sur la réalisation de plusieurs courts-métrages aussi. D'accord, super. Donc là, pour la grande lessive, vous êtes plus orienté sur des photographies, si j'ai bien compris. Complètement, et on est sur des photographies qui vont être un petit peu différentes par rapport à la proposition que Diane m'a faite, c'est-à-dire qu'on va à la fois être en mode portrait et en mode paysage, et comme on est dans une grande lessive, j'ai pensé pouvoir retoucher les photos avec de l'aquarelle, un petit peu comme s'il y avait des choses qui avaient déteint sur les photos, comme c'est une lessive. On s'est un peu trempé dans les températures et les couleurs ont un peu délavé. D'accord, donc là, ça a des techniques de traitement de l'image, ressortir du bain de la photo. Non, je vais imprimer les photos, je dirais, de manière très classique, et après, je fais un travail avec un pinceau et de la couleur directement dessus. Sur la photo. Sur la photo. D'accord, oui. Carrément, oui, tout oui. Simplement. Voilà, comme ça, s'il pleut ce jour-là, ça permettra d'avoir encore une troisième dimension. Mmh. Alors, vous le faites avec vos artistes qui participent aux bien ateliers sûr, Picador, voilà, bien sûr, on fait ça tous ensemble, c'est un travail d'équipe. Ils sont tous là, là, vous les voyez pas au micro, mais ils sont tous là. Vous êtes là, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que je vois un jeune homme qui a envie de dire quelque chose, peut-être? Ouais, il faut bien faire quelque chose. Dites quelque chose. Allez, approchez. Florian, allez-y. Alors, Florian, qui veut dire un mot à ce sujet de l'affichage, de l'exposition, j'imagine? Oui. Oui, je vous en prie. Bah, ils nous aident beaucoup à faire les affiches et tout, nous montrer comment faut faire, on le fait, et si on a besoin d'aide, ils sont toujours là pour nous aider et tout. D'accord, donc ça vous aide à développer votre créativité, oui. Donc vous appréciez... Le travail avec les éduques, c'est très bien comme ça. D'accord, donc Jean-Pierre, ça, il est sympa, il est... Oui, il est drôle, il est sympa. Autant mieux, c'est mieux que ça se passe bien quand même. Et Diane, oui, c'est vrai, il faut reconnaître. Tout le monde, ils sont gentils, d'accord. Et c'est intéressant pour vous, votre expression artistique. Pour exprimer nos émotions et les compétences qu'on a, montrer aux gens qu'on a des compétences, qu'on participe bien, qu'on fait nos mieux, et voilà. Mmh. Parce que les ateliers Picador, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que en dehors du FAS, on peut venir participer aux ateliers Picador, Diane? Si on en fait la demande, oui, bien sûr, ça s'organise et ça se prépare, mais oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Ou est-ce que ça passe par... On est beaucoup dans les rencontres, oui. Ça passe par un processus spécifique, peut-être. Après, oui, il y a un petit processus de prise de contact et puis de monter un projet pour organiser la rencontre. D'accord, ça tient compte des spécificités du public, peut-être. Tout à fait. Et puis nous, on est beaucoup à l'extérieur, sinon les rencontres peuvent se faire lors d'autres manifestations ou d'autres... opportunités, on va dire. Mmh, d'accord. Parce qu'on sort énormément de la structure. Ouais. Donc là, c'est vrai que les arts visuels, je veux dire, s'exprimer... vous me rappelez votre prénom? Florian, ce qu'elle évoque, c'est dire, ça me permet... De parler, de transcrire mes émotions, quelque part. Oui. Alors, c'est ce que permet l'expression artistique, selon vous? Oui. Et Diane et Jean-Pierre, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait, parce qu'on part vraiment de eux, de leur état d'esprit, de leur humeur, et puis des relations qu'ils peuvent tisser les uns avec les autres et avec nous. Et à partir de là, on essaye de faire émerger des gestes, des choix, et puis un processus de création collectif. Mmh. Est-ce que vous pensez que ces supports d'art visuel, photographie, graphisme, illustration... ça permet d'exprimer peut-être des choses qui sont refoulées à l'intérieur de soi, et du coup, quelque part, en les exprimant, même de façon abstraite, on va dire, ça permet à mieux aller après. Je pense que ce soit la scène ou l'image, qu'elle soit fixe ou en mouvement, leur permet de partager avec tout le monde ce qu'ils sont eux, intrinsèquement parlant, ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, en fait, au travers de l'art, c'est leur richesse, puisque c'est leur singularité. Et donc, quelque part, c'est le développement de l'idée que le handicap est une singularité qui est une richesse. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous voulez développer, Jean-Pierre, dessus? Non, moi, c'est ce que je leur dis tous les jours, que ce soit quand on fait du théâtre ou quand on exprime des choses à travers des images, c'est que... Ils n'ont pas à chercher à jouer, ils n'ont qu'à juste qu'à être, et ils sont, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils sont tous différents, et ils sont tous source de poésie et de richesse. Chaque personne est singulière, et c'est ça,

Donc ça vous plaît ? Moi, j'ai bien travaillé. D'accord, super. Merci beaucoup, Yasmina. Oui. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, alors, y a un jeune homme aussi là, qui a envie de dire quelque chose. Non, il est sourd et muet, donc... Oui. Donc... Arrête. Donc on voit que là, au cours, alors on est sur l'émission radio, mais on voit dans le cas de l'atelier Picador qu'effectivement, tous les participants sont très engagés dans l'expression des arts visuels et vraisemblablement, ça leur fait beaucoup de bien. Donc on poursuit l'interview avec Jean-Pierre et Diane. Vous, au départ, comment vous êtes arrivé à animer ces ateliers ou comment vous avez mis ça en place? C'est une initiative personnelle? Comment ça s'est mis en place, ces ateliers? Alors moi, j'ai une formation artistique sur les beaux-arts à Nancy. D'accord. Et j'ai animé des ateliers d'art plastique pour enfants, dans des cadres périscolaires et de loisirs. Et je suis tombée sur une petite annonce de l'établissement donc, du CAPS, le Carrefour d'accompagnement public et social de Rosières, qui cherchait des personnes avec une formation artistique pour faire des ateliers d'art auprès de personnes adultes en situation de handicap. Et donc, je suis arrivée par ce biais-là à l'établissement il y a 25 ans. 25 ans déjà, pour faire ça. Il y a 25 ans, oui. Et du coup, j'ai monté un atelier de peinture avec des personnes qui étaient vraiment très, très loin de pratiquer et qui avaient eu vraiment des parcours très, très loin de toutes ces problématiques-là d'art. Et ça a été vraiment une très belle rencontre. Et on a forgé un travail d'atelier au fur et à mesure. Et après, je suis arrivée sur Essai en 2007. Et là, j'ai proposé à nouveau un atelier d'art pictural avec un nouveau public. Et j'ai monté un atelier d'écriture hebdomadaire. Et là, ça a été vraiment une révélation de la part des personnes accompagnées sur leur envie de s'exprimer, leur envie de faire des choses, leur envie d'être en relation avec le monde. Et on a développé tout un tas de projets sur l'extérieur en lien avec de la poésie, des cafés littéraires et beaucoup, beaucoup de manifestations avec des rencontres sur Essai. D'accord, des rencontres des cafés littéraires, c'est ça se passe quand, c'est où, c'est... Alors les cafés littéraires, ils étaient organisés une fois par an et ça se passait sur le foyer. Et foyer tout Foch. Le monde, enfin ici non. Sur le foyer à Essai, tout le monde se prêtait au jeu de celui qui lit une poésie, de celui qui récite un poème, de celui qui improvise une danse et de celui qui est spectateur de l'événement. Et c'était un moment très, très festif. Ouais, c'était un moment attendu. Et très un intense. Un important dans l'année. D'accord, ça existe toujours ce café littéraire ? Non, on est passé à d'autres formules, à d'autres projets. Et il y avait aussi les rencontres de Guernica sur Essai, où là on a invité vraiment du public à venir à la rencontre des personnes dans des lieux comme la salle Maringer sur Essai, avec du théâtre, de la danse. Une grande exposition d'art graphique. D'accord, donc là avec plus du théâtre, des arts du vivant. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois dans la salle Maringer, il y avait à la fois tout ce qu'ils avaient pu produire dans l'année autour d'un thème. Mmh. Et puis on présentait un spectacle qu'on avait travaillé, ou deux même parfois, qu'on avait travaillé ici au sein du FAS. Et ça a duré plusieurs années. Nous, on avait monté des spectacles aussi qu'on avait présentés et coproduits avec l'Opéra ou le Ballet de Lorraine, mais c'est le Covid qui a un petit peu arrêté tout ça. Qui a un petit peu modifié la... Et c'est pour ça qu'on est passé un peu à la vidéo et à la photo, parce qu'on ne pouvait plus sortir. Oui. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a basculé un peu de la scène à l'écran. À l'écran, d'accord. Et peut-être revenir un peu sur scène, parce que c'est sympa, c'est peut-être aussi pour... la rencontre avec un public, c'est... Alors, on va revenir très bientôt sur scène à la fin de cette année, puisqu'il y a un atelier qui est mis en place avec le CPN. On se voit deux fois par semaine, le mardi matin et le vendredi matin. Et on va présenter un spectacle à la fin de l'année qui sera joué au CPN, mais aussi à la MJC des Trois Maisons, avec un partenariat... Donc je disais avec le CPN et surtout une coproduction avec une metteur en scène qui s'appelle Virginie Wittmer et qui est aussi la rencontre entre des usagers du FAS et des usagers du CPN. D'accord. Le FAS, c'est qu'est-ce que c'est la structure ici? C'est ici, donc c'est... le foyer d'accueil spécialisé des Célé-Nancy. D'accord. Ok. Très bien. Et vous, Jean-Pierre, votre formation à la base, parce que par exemple, Diane, elle est passée, parce que vous aujourd'hui, vous êtes dans dans l'accompagnement d'un public qui rencontre des difficultés. C'était pas forcément en lien avec votre formation des Beaux-Arts. Non, c'est pour ça que quand j'ai commencé, il y a vraiment eu une rencontre humaine et vraiment très enrichissante. Et c'est là que je me suis dit que j'avais vraiment envie de découvrir ces personnes et de créer des liens avec elles. Et le support de l'art était vraiment un bon levier pour créer une ambiance d'écoute et d'expression, comme on a vu tout à l'heure avec le témoignage de Floriane. C'est vraiment ça. C'est des personnes qui n'ont pas toujours eu des opportunités pour s'exprimer au niveau de leurs différences ou de leurs particularités. Et nous, dans nos ateliers, on est vraiment très sensibles à la liberté de la fantaisie et des choses un petit peu, des chemins de traverse, on va dire. Mmh. Donc c'est ça qu'on essaye vraiment de développer. D'accord. Je ne me rappelle plus le début de votre question. C'était ça, comment vous en étiez venu en fait d'une formation aux Beaux-Arts à finalement faire de l'accompagnement de personnes, qui n'est pas tout à fait le même métier, même si vous trouvez une corde à votre arc, puisque vous exprimez dans l'accompagnement à travers les arts graphiques. Voilà, et moi du coup, donc, j'ai découvert cette population, j'ai découvert le fonctionnement d'un établissement médico-social, mais je me suis aussi découverte d'autres intérêts pour l'humain. Et du coup, j'ai vraiment découvert aussi le métier d'éducateur spécialisé au final. Et du coup, j'ai passé un diplôme il y a quelques temps. Que vous êtes devenue entre-temps. Et maintenant, je suis éducateur spécialisé avec cette particularité de pouvoir proposer des activités artistiques. Mmh. C'est ce que vous aviez... C'est deux centres d'intérêt, en fait. Oui, vous gardez. Donc là, c'est génial pour vous parce que ça doit être totalement épanouissant. Ouais. Si vous avez trouvé un intérêt dans la relation humaine... Ouais, tout à fait. Qui vous a été amené par la pratique artistique c'est et ça. Votre formation c'est aux Beaux-Arts. C'est comme d'accord. un chemin qui m'a mené à un métier que je n'avais pas choisi au départ et qui est venu de lui-même, en fait. L'important, c'est le chemin, ouais, c'est vrai. Et vous, Jean-Pierre, alors, votre parcours, comment vous êtes venu d'être à la fois un réalisateur donc de vidéos, de films, et être dans le métier de l'accompagnement? Moi, c'est un petit peu comme Diane. Moi, au début, j'ai une formation de comédien. Et donc j'ai eu toute une période de ma vie où j'ai fait l'acteur, j'ai eu la chance de travailler avec des grands personnages comme Laurent Terzieff ou Belmondo, des gens comme ça. Et puis après, je suis passé, j'ai écrit, j'aime bien écrire, donc je suis passé à la réalisation. Et un jour, le hasard a fait que j'ai été amené à animer un atelier de théâtre avec des enfants atteints de graves maladies ou en situation de handicap, et ça a été une révélation pour moi. Et suite à ça, un jour j'ai vu que le CAPS cherchait quelqu'un pour développer les arts scéniques. Et donc je me suis présenté et je me suis retrouvé embarqué dans le bateau. D'accord. Donc finalement c'est un petit peu similaire à Diane, c'est-à-dire que vous aviez une formation au départ, un univers métier on va dire, et puis la rencontre avec un public, ça vous a amené vers autre chose, vers un accompagnement dans des relations particulièrement humaines pour le coup, et ça vous épanouit. C'est-à-dire qu'en travaillant avec des personnes en situation de handicap, on a la chance d'être au contact tous les jours, je dirais, d'une certaine rareté. D'une certaine rareté, d'une certaine poésie. Et moi, je pense que c'est ça qui me convient bien, c'est qu'on apprend déjà tous les jours quelque chose d'eux. Et puis, à partir du moment où on a une relation artistique à la vie et au rapport humain, et bien fatalement, travailler avec eux, c'est du bonheur, quoi. D'accord. Voilà. Alors, on arrive un petit peu à la fin de l'interview pour la radio, mais si vous me le permettez, je vais vous poser une dernière question, parce que tant Diane que... vous, Jean-Pierre, vous évoquez beaucoup cette dimension de poésie dans l'humain avec laquelle vous travaillez. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ces notions qu'est-ce que vous entendez par là, plus précisément? Moi, je dirais que la poésie, c'est la saveur de l'instant, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on savoure quelque chose qui nous est proposé. Et pour moi, la poésie, c'est soit on l'accueille, soit on détourne son attention. Et j'ai l'impression que quand on est vraiment sensible à ces petites choses subtiles, on en garde une force pour aller de l'avant et puis pour avancer dans la vie. Voilà, moi, je dirais ça comme ça. Donc là, vous parlez d'émotion, en fait. Oui. Hein, c'est ça, en fait, oui. Que vous voulez évoquer. Mais c'est une émotion qui va pouvoir être pensée. Voilà, il y aura peut-être une réflexion à la suite de cette émotion-là. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit, un regard, mais ça sert aussi à nourrir une pensée, je pense. Je pense une pensée, voilà. Je pense une pensée, pourquoi pas. Jean-Pierre, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je dirais que c'est que chacun d'eux sont comme si c'était des prismes et qu'au travers d'eux, ils apportent une vision du monde, une vision de l'instant, une vision de la lumière qui est différente et qui il transforme, il transfigure la réalité en quelque chose d'autre qui leur appartient et qui fait que nous aussi on est amené à voir les choses différemment puisque ce qu'ils nous proposent est différent. Et c'est formidable parce que c'est comme si ils nous permettaient d'ouvrir des portes. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train de travailler sur un sujet, sur un atelier avec des personnes en situation de handicap qui sont autistes lourds et âgés. Et on a appelé le truc derrière la porte. Parce que voilà, eux, ils ouvrent des portes et c'est une chance de pouvoir ouvrir les portes au lieu de les prendre dans le nez. Mmh. Oui, c'est sûr. Donc il faut beaucoup d'empathie pour faire vos métiers. Alors aujourd'hui, je vous ai interviewé Diane et Jean-Pierre, mais on était aussi... Je vais vous donner la parole. On était aussi avec Yasmina et Florian, qu'on a pu entendre au micro, mais on était aussi présents dans le cadre de l'atelier, si vous voulez bien. Ouais, il y avait Audrey, Nicolas, Anaïs... Élise, Renaud, Marvin... Aura et Emmanuel. Emmanuel, voilà. Bah, si vous voulez bien, on va faire une salutation à l'émission, qu'on vous entende tous bien. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, merci infiniment pour votre participation. Après cet au revoir chaleureux, Diane voulait rajouter un petit mot pour conclure l'émission. Oui, je voulais juste remercier déjà les personnes qui sont dans nos ateliers et qui supportent notre énergie pas toujours continue. Et je voulais aussi remercier les personnes de la municipalité d'Essé, sachant qu'on a beaucoup travaillé avec les élus, que ce soit sur la culture, la cohésion sociale. Pour ce que ça soit quand on a besoin au niveau d'une activité, on a besoin du foyer Foch, ça pose jamais de problème. On se retrouve toujours à rencontrer des gens qui sont à l'écoute des besoins qu'on peut avoir et des propositions qu'on peut faire. Sachant que certaines personnes sur le foyer résident sur Essé, et du coup leur implication dans la vie de la ville est du coup très valorisée. De par le fait qu'elles y habitent, mais qu'elles y font aussi beaucoup d'ateliers. Et ça crée vraiment des relations en réseau au sein de la ville. D'accord. C'est tout bon pour vous ? Ouais, grand merci. Merci infiniment de votre participation. Merci à vous. Merci. Portrait d'artiste sur Fadjet. L'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animée par Romain Marie.